assis sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme faute les symboliques de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Posté sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme faute les symboliques de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Yo TRT, j'espère que ça se passe dans la capitale. Que pour passagère tu gardes la pêche car c'est le principal. C'est de cadeaux, je t'envoie ces quelques mots. Puisque jamais on ne se voit sur MSN depuis quelques mois. Si ça va, ça vient, tu connais bien toutes nos habitudes. Non, ça n'a pas changé, c'est toujours la même attitude. La vie suit son cours et c'est dans le vice que certains capitulent. Chacun suit son cœur, assume ses choix, car c'est capital. Sur des fois c'est dur quand je repense au passé, au pilon. On en avait jamais assez, une journée sans c'était pilon. On les appelait les JP, les yeux rouges et bien cernés. On les fritait dans le quart scolaire, arrivé fonce des hauts lycées. D'une journée normale, plein de sommaire. Et puis si t'entendais, il s'est foutu en l'air. Je dirais j'avais sans doute la tête dans la lune, mais les pieds sur terre, car j'ai toujours gardé ma ligne directrice. Jamais eu de coup, bat pas des primes, j'en suis le seul coupable. J'oubliais les week-ends au-dessus d'un garage ou d'un resto. De toute façon, c'était la même à tous les coups, on se mettait la mine, même sous la neige à LM ou lors des soirées à l'arrache. Dehors, motivé à la tâche qu'on s'était nous-mêmes imposé, puis on s'est mis à poser. Et au début, c'était comique, les interludes à côté à mourir de rire, pire qu'un coma. Peu après, je ne fume plus, pour moi, c'était la fin d'une époque. J'ai arrêté les feux, plus sinon, je serais devenu une épave. Et quoi que les autres bavent, on était loin d'être mal barrés. Juste des jeunes qu'on pas préparé, mais qui peut se vanter d'être paré dans sa vie quotidienne à la tienne. Comme au bidule, je te paierai la mienne de tourner la semaine de ton retour. Mais je constate qu'avec le temps, notre équipe indivisible comme un atome s'est séparé, tel un continent et un atoll nous concernant. Tu sais bien ce qu'on dit, loin des yeux, près du cœur. Donc j'attends ta réponse, d'ailleurs je compte toutes les heures. Sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme fossile symbolique de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Posté sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme fossile symbolique de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Yo de cas de haut, tes nouvelles donnent du baume au cœur. J'espère que tu vas bien, que tu lis mon texte sans rancœur. Le temps de me retourner, voilà déjà 2 ans passés. À 400 bandes devant l'IG, pas le bout du monde, mais bien lassé. Pour que la nostalgie s'installe, t'inquiète, j'oublie pas qu'on était à poster en attendant et en rêvant de vivre mieux. Je sais pas si on l'a fait, en tout cas je ne regrette rien. À l'heure qu'il est, j'écris, je vogue sur la ligne C. Première étape de mon périple, métro, boulot, dodo. C'est pas un job par intérim, au quotidien je n'attends qu'une chose: boire un verre, checker mes frères, me poster devant la mer. En attendant, gère dans les rues sombres de la capitale. Et pas la ville lumière, ici les mecs boivent pour une bière. Des gottes de magot à chaque saison. Mais toi-même tu sais que la pression, je préfère la boire que la mettre. Même si je me dis dans ma tête qu'il faudrait qu'ils aillent se faire mettre. Tente de faire mon truc carré, car tu sais bien que dans l'équipe on s'est calmé. Chacun a ses projets, va qu'à ses activités. La musique, le sport, les femmes, mais loin de moi la pensée qu'on s'est éparpillé. Certes on a arrêté de piller, mais c'est avec une grande fierté du respect que j'aime à vous revoir, je l'espère sans en revoir. Le parcours de chacun m'inspire, y'a que vous qui me fassent rire. Donc rien ne m'inquiète pour l'avenir. Certes on reste éloigné mais soudé comme au premier jour de la rentrée. Mais beaucoup d'eau a coulé pour diverses raisons. Enfin bref, j'ai appris que ça faisait du son, qu'inconscience faisait un nom. Même un projet en construction, ça me ferait plaisir de l'écouter. Pourquoi pas d'y participer, corroborer nos idées, refaire le monde pour finalement s'apercevoir que les temps n'ont pas tant changé. Sur ce j'attends ton prochain courrier. Sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme fossile symbolique de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Posté sur un banc, souvent y'avait plus de 10 personnes. Désormais maintenant quand j'y vais je n'y vois plus personne. Mes go enfuis dans la terre comme fossile symbolique de cette époque. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe. Beaucoup ont fui, c'est ma vie, c'était mon équipe.